Il y a bientôt un mois que ce drame a secoué le Bosquet. Il a été analysé 1000 fois, entièrement disséqué par le Conseil des Anciens, et aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. Il paraît que juste avant de commencer la demi-finale, les Parisiens de Lyon avaient discrètement confié à Chichi qu'ils repartaient le soir même chez eux et qu'ils ne se faisaient aucune illusion sur l'issue de la partie en cours, reconnaissant sans conteste la supériorité de son équipe. Grand seigneur, et surtout pour enfariner le public, Chichi avait tiré à côté de la boule exprès, par grandeur d'âme. Ainsi vont nos champions boulomanes. À Nîmes, dans le cadre bucolique du Bosquet, et sous l'œil goguenard de Bigot, les hommes vont jouer aux boules dans ce sanctuaire comme ils partent à la guerre. Ça commence toujours au son du clairon, et ça finit parfois par d'interminables minutes de silence. Vous ne me croyez pas? Tant pis, vous n'avez qu'à y aller voir. Écrit sous le titre Encore un drame évité à Nîmes pour la revue trimestrielle de l'ACTGV, Association des conducteurs de trains à grande vitesse, au début des années 1990.